Okay. Take it. Check it out. It's so good to be seen. You know what I mean? Yeah, very good. Beautiful. Free the slave. Say it. Alors, free the slave. Ils veulent faire un feu, ils ont fait des trous, ils ont ramené des grosses branches. Oula. Eh bien, il va y avoir un gros feu branches, alors. Des branches de sapin. Oula. Ils vont faire c'est des druides. Eh. Mon poulet. C'est des druides. Music everywhere. Music on the beach. Faut pas qu'on entende trop la musique parce que sinon je vais être obligé de payer des droits. D'ailleurs, faut que je signale au passage que Free the Slave, ça veut dire Prince. J'ai une citation. Je vais être filante. Oh, mais non. C'est le moment ou jamais. Alors, qu'est-ce que je veux? Il faut que tu fasses un vœu. Hein. Qui, moi? Putain, le feu. Qu'est-ce que je fais comme vœu?